curiosité.net. Deuxième partie du philosophe ignorant qui va du chapitre 31 au chapitre 56. Lui par Alain Bernard, illustration musicale. Tommaso Albinoni, La Madone des fleurs. Licence Muse Open. Chapitre 31. Y a-t-il une morale? Plus j'ai vu des hommes différents, par le climat, les mœurs, le langage, les lois, le culte, et par la mesure de leur intelligence, et plus j'ai remarqué qu'ils ont tous le même fond de morale. Ils ont tous une notion grossière du juste et de l'injuste, sans savoir un mot de théologie. Ils ont tous acquis cette même notion dans l'âge où la raison se déploie, comme ils ont tous acquis naturellement l'art de soulever des fardeaux avec des bâtons et de passer un ruisseau sur un morceau de bois sans avoir appris les mathématiques. Il m'a donc paru que cette idée du juste et de l'injuste leur était nécessaire, puisque tous s'accordaient en ce point dès qu'ils pouvaient agir et raisonner. L'intelligence suprême qui nous a formés a donc voulu qu'il y eût de la justice sur la terre pour que nous puissions y vivre un certain temps. Il me semble que, n'ayant ni instinct pour nous nourrir comme les animaux, ni armes naturelles comme eux, et végétant plusieurs années dans l'imbécilité d'une enfance exposée à tous les dangers, le peu qui serait resté d'hommes échappés aux dents des bêtes féroces, à la faim, à la misère, se serait occupé à se disputer quelque nourriture et quelques peaux de bêtes, et qu'ils se seraient bientôt détruits comme les enfants du dragon de Cadmus, sitôt qu'ils auraient pu se servir de quelque arme. Du moins, il n'y aurait eu aucune société, si les hommes n'avaient conçu l'idée de quelque justice, qui est le lien de toute société. Comment l'Égyptien, qui élevait des pyramides et des obélisques, et le Scythe errant, qui ne connaissait pas même les cabanes, aurait-il eu les mêmes notions fondamentales du juste et de l'injuste, si Dieu n'avait donné de tout temps à l'un et à l'autre cette raison qui, en se développant, leur fait apercevoir les mêmes principes nécessaires, ainsi qu'il leur a donné des organes qui, lorsqu'ils ont atteint le degré de leur énergie, perpétuent nécessairement, et de la même façon, la race du Scythe et de l'Égyptien. Je vois une horde barbare, ignorante, superstitieuse, un peuple sanguinaire et usurier, qui n'avait pas même de terme dans son jargon pour signifier la géométrie et l'astronomie. Cependant, ce peuple a les mêmes lois fondamentales que le sage chaldéen qui a connu les routes et désastres, et que le phénicien, plus savant encore, qui s'est servi de la connaissance des astres pour aller fonder des colonies aux bornes de l'hémisphère où l'océan se confond avec la Méditerranée. Tous ces peuples assurent qu'il faut respecter son père et sa mère, que le parjure, la calomnie, l'homicide sont abominables. Ils tirent donc tous les mêmes conséquences du même principe de leur raison développée. Chapitre 32. Utilité réelle. Notion de la justice. La notion de quelque chose de juste me semble si naturelle, si universellement acquise par tous les hommes, qu'elle est indépendante de toute loi, de tout pacte, de toute religion, que je redemande à un Turc, à un Guèbre ou à un Malabar l'argent que je lui ai prêté pour se nourrir et pour se vêtir, il ne lui tombera jamais dans la tête de me répondre. Attendez que je sache si Mahomet, Zoroastre ou Brahma ordonnent que je vous rende votre argent. Il conviendra qu'il est juste qu'il me paye, et s'il n'en fait rien, c'est que sa pauvreté ou son avarice porteront sur la justice qu'il reconnaît. Je mets en fait qu'il n'y a aucun peuple chez lequel il soit juste, beau, convenable, honnête, de refuser la nourriture à son père et à sa mère quand on peut leur en donner, que nul peuplade n'a jamais pu regarder la calomnie comme une bonne action, non pas même une compagnie de bigots fanatiques. L'idée de justice me paraît tellement une vérité de premier ordre, à laquelle tout l'univers donne son assentiment, que les plus grands crimes qui affligent la société humaine sont tous commis sous un faux prétexte de justice. Le plus grand des crimes, du moins le plus destructif, et par conséquent le plus opposé au but de la nature, est la guerre. Mais il n'y a aucun agresseur qui se colore ce forfait du prétexte de la justice. Les déprédateurs romains faisaient déclarer toutes leurs invasions justes par des prêtres nommés Fécial, tout brigand qui se trouve à la tête d'une armée, commence ses fureurs par un manifeste et implore le dieu des armées. Les petits voleurs eux-mêmes, quand ils sont associés, se gardent bien de dire « Allons voler, allons arracher à la veuve et à l'orphelin leur nourriture !» et disent « Soyons justes, allons reprendre notre bien des mains des riches qui s'en sont emparés. » Ils ont entré un dictionnaire qu'on a même imprimé dès le XVIe siècle. Et dans ce vocabulaire qu'ils appellent argot, les mots de vol, larcin, rapine ne se trouvent point. Et ils se servent de termes qui répondent à gagner, reprendre. Le mot d'injustice ne se prononce jamais dans un conseil d'État où l'on propose le meurtre le plus injuste. Les conspirateurs, même les plus sanguinaires, n'ont jamais dit « commettons un crime ». Ils ont tous dit « vengeons la patrie des crimes du tyran ». Punissons ce qui nous paraît une injustice. En un mot, flatteurs lâches, ministres barbares, conspirateurs odieux, voleurs plongés dans l'iniquité, tous rendent hommage, malgré eux, à la vertu même qu'ils foulent aux pieds. J'ai toujours été étonné que chez les Français qui sont éclairés, polis, on ait souffert sur le théâtre ces maximes, aussi affreuses que fausses, qui se trouvent dans la première scène de Pompée et qui sont beaucoup plus outrées que celles de Lucain dont elles sont imitées. La justice et le droit sont de vaines idées. Le droit des rois consiste à ne rien épargner. Je recommence. La justice et le droit sont de vaines idées. Le droit des rois consiste à ne rien épargner. Et on met ces abominables paroles dans la bouche de Photin, ministre du jeune Ptolémée. Mais c'est précisément parce qu'il est ministre qu'il devait dire tout le contraire. Il devait représenter la mort de Pompée comme un malheur nécessaire et juste. Je crois donc que les idées du juste et de l'injuste sont aussi claires, aussi universelles que les idées de santé et de maladie, de vérité et de fausseté, de convenance et de disconvenance. Les limites du juste et de l'injuste sont très difficiles à poser. Comme l'état mitoyen entre la santé et la maladie, entre ce qui est convenance et la disconvenance des choses, entre le faux et le vrai, est difficile à marquer. Ce sont des nuances qui se mêlent, mais les couleurs tranchantes frappent tous les yeux. Par exemple, tous les hommes avouent qu'on doit rendre ce qu'on nous a prêté. Mais si je sais certainement que celui à qui je dois 2 millions s'en servira pour asservir ma patrie, dois-je lui rendre cette arme funeste ? Voilà où les sentiments se partagent. Mais en général, je dois observer mon serment quand il n'en résulte aucun mal. C'est de quoi personne n'a jamais douté. Chapitre 33. Consentement universel est-il preuve de vérité ? On peut m'objecter que le consentement des hommes de tous les temps et de tous les pays n'est pas une preuve de la vérité. Tous les peuples ont cru à la magie, aux sortilèges, aux démoniaques, aux apparitions, aux influences des astres, à 100 autres sottises pareilles. Ne pourrait-il pas en être ainsi du juste et de l'injuste ? Il me semble que non. Premièrement, il est faux que tous les hommes aient cru à ces chimères. Elles étaient à la vérité l'aliment de l'imbécilité et du vulgaire. Et il y a le vulgaire des grands et le vulgaire du peuple. Mais une multitude de sages s'en est toujours moquée. Ce grand nombre de sages, au contraire, a toujours admis le juste et l'injuste, tout autant et même encore plus que le peuple. La croyance aux sorciers, aux démoniaques, etc. est bien éloignée d'être nécessaire au genre humain. La croyance à la justice est d'une nécessité absolue, donc elle est un développement de la raison donnée de Dieu. Et l'idée des sorciers et des possédés, etc. est au contraire un pervertissement de cette même raison. Chapitre 34. Contre Locke. Locke, qui m'instruit et qui m'apprend à me défier de moi-même, ne se trompe-t-il pas, quelquefois, comme moi-même ? Il veut prouver la fausseté des idées innées. Mais n'ajoute-t-il pas une bien mauvaise raison à de fort bonnes ? Il avoue qu'il n'est pas juste de faire bouillir son prochain dans la chaudière et de le manger. Il dit que, cependant, il y a eu des nations d'anthropophages et que ces êtres pensants n'auraient pas mangé les hommes s'ils avaient eu les idées du juste et de l'injuste, que je suppose nécessaires à l'espèce humaine. Voir la question 36. Sans entrer ici dans la question s'il n'y a eu en effet des nations d'anthropophages, sans examiner les relations du voyageur Dampierre, qui a parcouru toute l'Amérique et qui n'y en a jamais vu, mais qui au contraire a été reçu chez tous les sauvages avec la plus grande humanité. Voici ce que je réponds. Des vainqueurs ont mangé leurs esclaves pris à la guerre. Ils ont cru faire une action très juste. Ils ont cru avoir sur eux droit de vie et de mort. Et comme ils avaient peu de bon mets pour leur table, ils ont cru qu'il leur était permis de se nourrir du fruit de leur victoire. Ils ont été en cela plus justes que les triomphateurs romains qui faisaient étrangler, sans aucun fruit, les princes esclaves qu'ils avaient enchaînés à leur char de triomphe. Les Romains et les sauvages avaient une très fausse idée de la justice, je l'avoue. Mais enfin, les uns et les autres croyaient agir justement. Et cela est si vrai que les mêmes sauvages, quand ils avaient admis leurs captifs dans leur société, les regardaient comme leurs enfants, et que ces mêmes anciens Romains ont donné 1000 exemples de justice admirable. Chapitre 35. Contre Locke. Je conviens avec le sage Locke qu'il n'y a point de notion innée, point de principe de pratique innée. C'est une vérité si constante qu'il est évident que les enfants auraient tous une notion claire de Dieu, s'ils étaient nés avec cette idée, et que tous les hommes s'accorderaient dans cette même notion, un corps que l'on n'a jamais vu. Il n'est pas moins évident que nous ne naissons point avec des principes développés de morale, puisqu'on ne voit pas comment une nation entière pourrait rejeter un principe de morale qui serait gravé dans le cœur de chaque individu de cette nation. Je suppose que nous soyons tous nés avec le même principe moral bien développé, qu'il ne faut persécuter personne pour sa manière de penser. Comment des peuples entiers auraient-ils été persécutés? Je suppose que chaque homme porte en soi la loi évidente qui ordonne qu'on soit fidèle à son serment. Comment tous ces hommes réunis en corps auraient-ils statué qu'il ne faut pas garder sa parole à des hérétiques? Je répète encore qu'au lieu de ces idées innées, chimériques, Dieu nous a donné une raison qui se fortifie avec l'âge et qui nous apprend à tous, quand nous sommes attentifs, sans passion, sans préjugés, qu'il y a un Dieu et qu'il faut être juste. Mais je ne puis accorder à Locke les conséquences qu'il en tire. Il semble trop approché du système de Hobbes, dont il est pourtant très éloigné. Voici ses paroles, au premier livre de l'entendement humain. Considérez une ville prise d'assaut, et voyez s'il paraît dans le cœur des soldats, animés au carnage et au butin, quelque égard pour la vertu, quelque principe de morale, quelques remords de toutes les injustices qu'ils commettent. Non, ils n'ont point de remords. Et pourquoi? C'est qu'ils croient agir justement. Aucun d'eux n'a supposé injuste la cause du prince pour lequel il va combattre. Ils hasardent leur vie pour cette cause. Ils tiennent le marché qu'ils ont fait. Ils pouvaient être tués à l'assaut, donc ils croient être en droit de tuer. Ils pouvaient être dépouillés, donc ils pensent qu'ils peuvent dépouiller. Ajoutez qu'ils sont dans l'enivrement de la fureur, qui ne raisonne pas. Et pour vous prouver qu'ils n'ont point rejeté l'idée du juste et de l'honnête, proposez à ces mêmes soldats beaucoup plus d'argent que le pillage de la ville ne peut leur donner, de plus belles filles que celles qu'ils ont violées, pourvu seulement qu'au lieu d'égorger, dans leur fureur, 3 ou 4 000 ennemis qui font encore résistance et qui peuvent les tuer, ils aillent égorger leur roi, son chancelier, ses secrétaires d'État et son grand aumônier. Vous ne trouverez pas un de ces soldats qui ne rejette vos offres avec horreur. Vous ne leur proposez cependant que 6 meurtres au lieu de 4 000, et vous leur présentez une récompense très forte. Pourquoi vous refusent-ils? C'est qu'ils croient juste tuer 4 000 ennemis et que le meurtre de leur souverain, auquel ils ont fait serment, leur paraît abominable. Locke continue, et pour mieux prouver qu'aucune règle de pratique n'est innée, il parle des Mingreliens, ou des Mingréliens, qui se font un jeu, dit-il, d'enterrer leurs enfants tout vifs, et des Caraïbes qui châtrent les leurs pour les mieux engraisser afin de les manger. On a déjà remarqué ailleurs que ce grand homme a été trop crédule en rapportant ses fables. Lambert, qui seul impute aux Mingréliens d'enterrer leurs enfants tout vifs pour leur plaisir, n'est pas un auteur assez accrédité. Chardin, voyageur qui passe pour véridique et qui a été rançonné en Mingrélie, parlerait de cette horrible coutume qui, si elle existait, et ce ne serait pas assez qu'il le dit pour qu'on le crût. Il faudrait que 20 voyageurs de nations et de religions différentes s'accordassent à confirmer un fait si étrange pour qu'on en eût une certitude historique. Il en est de même des femmes des îles Antilles qui châtraient leurs enfants pour les manger. Cela n'est pas la nature d'une mère. Le cœur humain n'est point ainsi fait. Châtrer des enfants est une opération très délicate, très dangereuse, qui, loin de les engraisser, les amaigrit au moins une année entière et qui souvent les tue. Ce raffinement n'a jamais été en usage que chez des grands qui, pervertis par l'excès de luxe et par la jalousie, ont imaginé d'avoir des eunuques pour servir leurs femmes et leurs concubines. Il n'a été adopté en Italie, à la chapelle du pape, que pour avoir des musiciens dont la voix fut plus belle que celle des femmes. Mais dans les îles Antilles, il n'est guère à présumer que des sauvages aient inventé le raffinement de châtrer les petits garçons pour en faire un bon plat. Et puis, qu'ont-ils fait de leurs petites filles ? Locke allègue encore des saints de la religion mahométane qui s'accouplent dévotement avec leurs ânesses pour n'être point tentés de commettre la moindre fornication avec les femmes du pays. Il faut mettre ses comptes avec celui du perroquet qui eut une si belle conversation en langue brésilienne avec le prince Maurice. Conversation que Locke a la simplicité de rapporter, sans se douter que l'interprète du prince avait pu se moquer de lui. C'est ainsi que l'auteur de l'Esprit des lois s'amuse à citer de prétendues lois de Turquin, de Batam, de Bornéo, de Formose, sur la foi de quelques voyageurs, ou menteurs, ou mal instruits. Locke et lui sont deux grands hommes en qui cette simplicité ne me semble pas excusable. Chapitre 36. Nature partout la même. En abandonnant Locke en ce point, je dis avec le grand Newton « Natura est semper sibi consona ». La nature est toujours semblable à elle-même. La loi de la gravitation qui agit sur un astre agit sur tous les astres, sur toute la matière. Ainsi la loi fondamentale de la morale agit également sur toutes les nations bien connues. Il y a 1000 différences dans les interprétations de cette loi, en 1000 circonstances. Mais le fond subsiste toujours le même, et ce fond est l'idée du juste et de l'injuste. On commet prodigieusement d'injustice dans les fureurs de ses passions, comme on perd sa raison dans l'ivresse. Mais quand l'ivresse est passée, la raison revient. Et c'est à mon avis l'unique cause qui fait subsister la société humaine, cause subordonnée aux besoins que nous avons les uns des autres. Comment donc avons-nous acquis l'idée de la justice, comme nous avons acquis celle de la prudence, de la vérité, de la convenance, par le sentiment et par la raison? Il est impossible que nous ne trouvions pas très imprudente l'action d'un homme qui se jetterait dans le feu pour se faire admirer et qui espérerait s'en échapper. Il est impossible que nous ne trouvions pas très injuste l'action d'un homme qui en tue un autre dans sa colère. La société n'est fondée que sur ses actions qu'on n'arrachera jamais de notre cœur. Et c'est pourquoi toute société subsiste à quelque superstition bizarre et horrible qu'elle se soit asservie. Quel est l'âge où nous connaissons le juste et l'injuste? L'âge où nous connaissons que 2 et 2 font 4. Chapitre 37 de Hobbes. Profond et bizarre philosophe, bon citoyen, esprit hardi, ennemi de Descartes, toi qui te trompais comme lui, toi dont les erreurs en physique sont grandes et pardonnables, parce que tu étais venu avant Newton, toi qui as dit des vérités qui ne compensent pas les erreurs, toi qui le premier fit voir quelle est la chimère des idées innées, toi qui fus le précurseur de Locke en plusieurs choses, mais qui le fus aussi de Spinoza, c'est en vain que tu étonnes tes lecteurs en réussissant presque à leur prouver qu'il n'y a aucune loi dans le monde que des lois de convention, qu'il n'y a de juste et d'injuste que ce qu'on est convenu d'appeler tel dans un pays. Si tu t'étais trouvé seul avec Cromwell dans une île déserte, et que Cromwell eût voulu te tuer pour avoir pris le parti de ton roi dans l'île d'Angleterre, cet attentat ne t'aurait-il pas paru aussi stupide dans ta nouvelle île qu'il ne te l'aurait paru dans ta patrie? Tu dis que dans la loi de la nature, tous ayant droit à tout, chacun a droit sur la vie de tout son semblable. Ne confonds-tu pas la puissance avec le droit? Penses-tu qu'en effet le pouvoir donne le droit, et qu'un fils robuste n'ait rien à se reprocher pour avoir assassiné son père, languissant et décrépir? Quiconque étudie la morale doit commencer à réfuter ton livre dans son cœur, mais ton propre cœur ne te réfutait encore davantage, car tu fus vertueux ainsi que Spinoza, et ne te manqua, comme à lui, comme d'enseigner les vrais principes de la vertu que tu pratiquais et que tu recommandais aux autres. Chapitre 39. de Zoroastre. Je n'examine point en quel temps vivait Zoroastre, à qui les Perses donnèrent 9000 ans d'antiquité, ainsi que Platon aux anciens Athéniens. Je vois seulement que ces préceptes de morale se sont conservés jusqu'à nos jours. Ils sont traduits de l'ancienne langue des mages dans la langue vulgaire des Guèbres. Et il paraît bien aux allégories puériles, aux observances ridicules, aux idées fantastiques dont ce recueil est rempli, que la religion de Zoroastre est de l'antiquité la plus haute. C'est là qu'on trouve le nom de jardin pour exprimer la récompense des justes. On y voit le mauvais principe sous le nom de Satan, que les Juifs adoptèrent aussi. On y trouve le monde formé en 6 saisons ou en 6 temps. Il est ordonné de réciter un Nabunavar et un Hashim Vuhu pour ceux qui éternuent. Mais enfin, dans ce recueil de 100 portes ou préceptes tirés du livre de Zend, et où l'on rapporte même les propres paroles de l'ancien Zoroastre, quels devoirs moraux sont prescrits? Celui d'aimer, de secourir son père et sa mère, de faire l'aumône aux pauvres, de ne jamais manquer à sa parole, de s'abstenir quand on est dans le doute, si l'action qu'on va faire est juste ou non. Je m'arrête à ce précepte, parce que nul législateur n'a jamais pu aller au-delà, et je me confirme dans l'idée que plus Zoroastre établit de superstitions ridicules en fait de culte, plus la pureté de sa morale fait voir qu'il n'était pas en lui de la corrompre, que plus il s'abandonnait à l'erreur dans ses dogmes, plus il lui était impossible d'errer en enseignant la vertu. Chapitre 40. Des Brahmanes. Il est vraisemblable que les Brahmanes existaient longtemps avant que les Chinois eussent leurs 5 kings. Et ce qui fonde cette extrême probabilité, c'est qu'à la Chine, les antiquités les plus recherchées sont indiennes et que dans l'Inde, il n'y a point d'antiquité chinoise. Ces anciens Brahmanes étaient sans doute aussi mauvais métaphysiciens, d'aussi ridicules théologiens que les Chaldéens et les Perses, et toutes les nations qui sont à l'occident de la Chine. Mais quelle sublimité dans la morale! Selon eux, la vie n'était qu'une mort de quelques années, après laquelle on vivrait avec la divinité. Ils ne se bornaient pas à être justes envers les autres, mais ils étaient rigoureux envers eux-mêmes. Le silence, l'abstinence, la contemplation, le renoncement à tous les plaisirs étaient leurs principaux devoirs. Ainsi, tous les sages des autres nations allaient chez eux apprendre ce qu'on appelle la sagesse. Chapitre 41. De Confucius. Les Chinois n'eurent aucune superstition, aucun charlatanisme à se reprocher comme les autres peuples. Le gouvernement chinois a montré aux hommes, il y a fort au-delà de 4000 ans, et leur montre encore qu'on peut les régir sans les tromper, que ce n'est pas par le mensonge qu'on sert le Dieu de vérité, que la superstition est non seulement inutile, mais nuisible à la religion. Jamais l'adoration de Dieu ne fut si pure et si sainte qu'à la Chine, à la révélation près. Je ne parle pas des sectes du peuple, je parle de la religion du prince, de celle de tous les tribunaux et de tout ce qui n'est pas populace. Quelle est la religion de tous les honnêtes gens à la Chine, depuis tant de siècles? La voici. Adorez le ciel et soyez juste. Aucun empereur n'en a eu d'autre. On place souvent le grand Confucius, que nous nommons Confucius, parmi les anciens législateurs, parmi les fondateurs des religions. C'est une grande inadvertance. Confucius est très moderne. Il ne vivait que 650 ans avant notre ère. Jamais il n'institua aucun culte, aucun rite. Jamais il ne se dit inspiré ni prophète. Il ne fit que rassembler en un corps les anciennes lois de la morale. Il invite les hommes à pardonner les injures et à ne se souvenir que des bienfaits. À veiller sans cesse sur soi-même, à corriger aujourd'hui les fautes d'hier, à réprimer ses passions et à cultiver l'amitié, à donner sans faste et à ne recevoir que l'extrême nécessaire sans bassesse. Il ne dit point qu'il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on fasse à nous-mêmes, ce n'est que défendre le mal. Il fait plus, il recommande le bien. Traite autrui comme tu veux qu'on te traite. Il enseigne non seulement la modestie, mais encore l'humilité. Il recommande toutes les vertus. Chapitre 42. Des philosophes grecs, et d'abord de Pythagore. Tous les philosophes grecs ont dit des sottises en physique et en métaphysique. Tous sont excellents dans la morale. Tous égales Zoroastre, Confucius et les Brahmanes. Lisez seulement les vers dorés de Pythagore, c'est le précis de sa doctrine. Il n'importe quelle main il soit, dites-moi si une seule vertu y est oubliée. Chapitre 43. Ou de Zaléoucus. réunissez tous vos lieux communs, prédicateurs grecs, italiens, espagnols, allemands, français, etc. Qu'on distille toutes vos déclamations. En tirera-t-on un extrait qui soit plus pur que l'exorde des lois de Saint Lucus ? Maîtrisez votre âme, purifiez-la, écartez toute pensée criminelle. Croyez que Dieu ne peut être bien servi par les pervers. Croyez qu'il ne ressemble pas aux faibles mortels, que les louanges et les présences séduisent. La vertu seule peut lui plaire. Voilà le précis de toute morale et de toute religion. Chapitre 44. D'Épicure. Des pédants de collège, des petits maîtres de séminaire ont cru, sur quelques plaisanteries d'Horace et de Pétrone, qu'Épicure avait enseigné la volupté par les préceptes et par l'exemple. Épicure fut toute sa vie un philosophe sage, tempérant et juste. Dès l'âge de 12 à 13 ans, il fut sage, car lorsque le grammairien qui l'instruisait lui récita ce vers d'Hésiode, le chaos fut produit le premier de tous les êtres. Et qui le produisit, dit Épicure, puisqu'il était le premier. Je n'en sais rien, dit le grammairien. Il n'y a que les philosophes qui le sachent. Je vais donc m'instruire chez eux, répartit l'enfant. Et depuis ce temps, jusqu'à l'âge de 72 ans, il cultiva la philosophie. Son testament, que Diogène de Laërque nous a conservé tout entier, découvre une âme tranquille et juste. Il affranchit les esclaves qu'il croit avoir mérité cette grâce. Il recommande à ses exécuteurs testamentaires de donner la liberté à ceux qui s'en rendront dignes. Point d'ostentation, point d'injuste préférence. C'est la dernière volonté d'un homme qui n'en a jamais eu que de raisonnable. Seul de tous les philosophes, il eut pour amis tous ses disciples, et sa secte fut la seule où l'on sut aimer et qui ne se partagea point en plusieurs autres. Il paraît, après avoir examiné sa doctrine et ce qu'on a écrit pour et contre lui, que tout se réduit à la dispute entre Malebranche et Arnaud. Malebranche avouait que le plaisir rend heureux. Arnaud le niait. C'était une dispute de mots, comme tant d'autres disputes où la philosophie et la théologie apportent leur incertitude, chacune de son côté. Chapitre 45. Des stoïciens. Si les épicuriens rendirent la nature humaine aimable, les stoïciens la rendirent presque divine. Résignation à l'être des êtres, ou plutôt élévation de l'âme jusqu'à cet être, mépris du plaisir, mépris même de la douleur, mépris de la vie et de la mort, inflexibilité dans la justice, tel était le caractère des vrais stoïciens. Et tout ce qu'on a pu dire contre eux, c'est là qu'ils décourageaient le reste des hommes. Socrate, qui n'était pas de leur secte, fit voir qu'on pouvait pousser la vertu aussi loin qu'eux sans être d'aucun parti, et la mort de ce martyr de la divinité et l'éternel opprobre d'Athènes, quoiqu'elle s'en soit repentie. Le stoïcien Caton est, de notre côté, l'éternel honneur de Rome. Épictète dans l'esclavage est peut-être supérieur à Caton en ce qu'il est toujours content de sa misère. « Je suis, dit-il, dans la place où la Providence a voulu que je fusse. M'en plaindre, c'est l'offenser. » Dirais-je que l'empereur Antonin est encore au-dessus d'Épictète parce qu'il triompha de plus de séduction et qu'il était bien plus difficile à un empereur de ne pas corrompre qu'à un pauvre de ne pas murmurer. Lisez les pensées de l'un et de l'autre. L'empereur et l'esclave vous paraîtront également grands. Oserais-je parler ici de l'empereur Julien ? Il erra sur le dogme, mais certes, il n'erra pas sur la morale. En un mot, nul philosophe dans l'Antiquité qui n'ait voulu rendre les hommes meilleurs. Il y a eu des gens parmi nous qui ont dit que toutes les vertus de ces grands hommes n'étaient que des péchés illustres. Puisse la terre être couverte de tels coupables. Chapitre 46. Philosophie et vertu. Il y eut des sophistes qui furent aux philosophes ce que les sages sont aux hommes. Lucien se moqua d'eux, on les méprisa. Ils furent à peu près ce qu'ont été les moines mendiants dans les universités. Mais n'oublions jamais que tous les philosophes ont donné de grands exemples de vertu, et que les sophistes, et même les moines, ont tous respecté la vertu dans leurs écrits. Chapitre 47. D'Ésope. Je placerai Ésope parmi ces grands hommes, et même à la tête de ces grands hommes, soit qu'il ait été le Pilpé des Indiens, ou l'ancien précurseur de Pilpé, ou l'Ockman des Perses, ou le Hakim des Arabes, ou le Hakam des Phéniciens. Il n'importe. Je vois que ces fables ont été en vogue chez toutes les nations orientales, et que l'origine s'en perd dans une antiquité dont on ne peut sonder l'abîme. À quoi tendent ces fables si profondes qu'ingénues, ces apologues qui semblent visiblement écrits dans un temps où l'on ne doutait pas que les bêtes n'eussent un langage? Elles ont enseigné presque tout notre hémisphère. Ce ne sont point des recueils de sentences fastidieuses qui l'astuce qu'elle n'éclaire. C'est la vérité elle-même, avec le charme de la fable. Tout ce qu'on a pu faire, c'est d'y ajouter des embellissements dans nos langues modernes. Cette ancienne sagesse est simple et nue dans le premier auteur. Les grâces naïves dont on l'a ornée en France n'en ont point caché le fond respectable. Que nous apprennent toutes ces fables, qu'il faut être juste. Chapitre 48. De la paix née de la philosophie. Puisque tous les philosophes avaient des dogmes différents, il est clair que le dogme et la vertu sont d'une nature entièrement hétérogène. Qu'ils crussent ou non que Thétis était la déesse de la mer, qu'ils fussent persuadés ou non de la guerre des géants et de l'âge d'or, de la boîte de Pandore et de la mort du serpent Python, etc., ces doctrines n'avaient rien de commun avec la morale. C'est une chose admirable dans l'Antiquité que la théogonie n'ait jamais troublé la paix des nations. Chapitre 49. Autre question. Ah, si nous pouvions imiter l'Antiquité, si nous faisions enfin, à l'égard des disputes théologiques, ce que nous avons fait au bout de 17 siècles dans les belles lettres, nous sommes revenus au goût de la saine antiquité, après avoir été plongés dans la barbarie de nos écoles. Jamais les Romains ne furent assez absurdes pour imaginer qu'on pût persécuter un homme parce qu'il croyait le vide ou le plein, parce qu'il prétendait que les accidents ne peuvent pas subsister sans sujet, parce qu'il expliquait en un sens un passage d'un auteur que notre entendait dans ce sens contraire. Nous avons recours tous les jours à la jurisprudence des Romains, et quand nous manquons de loi, ce qui nous arrive si souvent, nous allons consulter le code et le digeste. Pourquoi ne pas imiter nos maîtres dans leur sage tolérance? Qu'importe à l'État qu'on soit du sentiment des réaux ou des nominaux, qu'on tienne pour Scott ou pour Thomas, pour Écolampade ou pour Mélenchon, qu'on soit du parti d'un évêque d'Ypres qu'on n'a point lu, ou d'un moine espagnol qu'on a moins lu encore. N'est-il pas clair que tout cela doit être aussi indifférent au véritable intérêt d'une nation que de traduire bien ou mal un passage de Nicophron ou d'Hésiode? Chapitre 50. Autre question. Je sais que les hommes sont quelquefois malades du cerveau. Nous avons eu un musicien qui est mort fou parce que sa musique n'avait pas paru assez bonne. Des gens ont cru avoir un nez de verre, mais s'il y en avait d'assez attaqués pour penser, par exemple, qu'ils ont toujours raison, y aurait-il assez d'élébores pour une si étrange maladie? Et si ces malades, pour soutenir qu'ils ont toujours raison, menaçaient du dernier supplice quiconque pense qu'ils peuvent avoir tort, s'ils établissaient des espions pour découvrir les réfractaires, s'ils décidaient qu'un père, sur le témoignage de son fils, une mère, sur celui de sa fille, doit périr dans les flammes, etc., ne faudrait-il pas lier ces gens-là et les traiter comme ceux qui sont attaqués de la rage? Chapitre 51. Ignorance. Vous me demandez à quoi bon tout ce sermon si l'homme n'est pas libre? D'abord, je ne vous ai point dit que l'homme n'est pas libre. Je vous ai dit que sa liberté consiste en son pouvoir d'agir et non pas dans le pouvoir chimérique de vouloir. Ensuite, je vous dirai que, tout en étant lié dans la nature, la providence éternelle me prédestinait à écrire ses rêveries et prédestinait 5 ou 6 lecteurs à en faire leur profit et 5 ou 6 autres à les dédaigner et à les laisser dans la foule immense des écrits inutiles. Si vous me dites que je ne vous ai rien appris, souvenez-vous que je me suis annoncé comme un ignorant. Chapitre 52. Autres ignorances. Je suis si ignorant que je ne sais pas même les faits anciens dont on me berce. Je crains toujours de me tromper de 700 à 800 années au moins. Quand je cherche en quel temps ont vécu ces antiques héros qu'on dit avoir exercé les premiers le vol et le brigandage, dans une grande étendue de pays, et ces premiers sages qui adorèrent des étoiles ou des poissons ou des serpents ou des morts ou des êtres fantastiques. Quel est celui qui le premier imagina les 6 Gaambars et le pont de Chinavana et le Dardaroth et le lac de Caron? En quel temps vivaient les premiers Bacchus, Hercule, Orphée? Toute l'Antiquité si ténébreuse jusqu'à Thucydide et Xénophon, que je suis réduit à ne savoir presque pas un mot de de ce qui s'est passé sur le globe que j'habite avant le court espace d'environ 30 siècles. Et dans ces 30 siècles encore, que d'obscurité, que d'incertitude, que de fables. Chapitre 53. Plus grande ignorance. Mon ignorance me pèse bien davantage quand je ne vois que ni moi, ni mes compatriotes, nous ne savons absolument rien de notre patrie. Ma mère m'a dit que j'étais né sur les bords du Rhin. Je le veux croire. J'ai demandé à mon ami, le savant Apédéoutès, natif de Courland, s'il avait connaissance des anciens peuples du Nord, ses voisins, et de son malheureux petit pays. Il m'a répondu qu'il n'en avait pas plus de notion que les poissons de la mer Baltique. Pour moi, tout ce que je sais de mon pays, c'est que César dit, il y a environ 1800 ans, que nous étions des brigands qui étions dans l'usage de sacrifier des hommes à je ne sais quel dieu pour obtenir d'eux quelque bonne proie, et que nous n'allons jamais en course qu'accompagnés de vieilles sorcières qui faisaient ces beaux sacrifices. Tacite, un siècle après, dit quelques mots de nous sans nous avoir jamais vus. Il nous regarde comme les plus honnêtes gens du monde en comparaison des Romains, car il assure que, quand nous n'avions personne à voler, nous passions les jours et les nuits à nous enivrer de mauvaises bières dans nos cabanes. Depuis ce temps de notre âge d'or, c'est un vide immense jusqu'à l'histoire de Charlemagne. Quand je suis arrivé à ces temps connus, je vois dans Goldast une charte de Charlemagne, datée d'Aix-la-Chapelle, dans laquelle ce savant empereur parle ainsi. Vous savez que, chassant un jour auprès de cette ville, je trouvai des thermes et le palais de Granus, frère de Néron et d'Agrippa, avait autrefois bâti. Ce Granus et cet Agrippa, frère de Néron, me font voir que Charlemagne était aussi ignorant que moi, et cela soulage. Chapitre 54. Ignorance ridicule. L'histoire de l'église de mon pays ressemble à celle de Granus, frère de Néron et d'Agrippa, et est bien plus merveilleuse. Ce sont de petits garçons ressuscités, des dragons pris avec une étoile comme des lapins avec un lacet, des hosties qui saignent d'un coup de couteau qu'un juif leur donne, des saints qui courent après leur tête quand on les leur a coupées. Une des légendes les plus avérées dans notre histoire ecclésiastique d'Allemagne est celle du bienheureux Pierre de Luxembourg qui, dans les deux années 1388 et 89, après sa mort, fit 2400 miracles et les années suivantes 3000 de contes faits, parmi lesquels on ne nomme pourtant que 42 morts ressuscités. Je m'informe si les autres états de l'Europe ont des histoires ecclésiastiques aussi merveilleuses et aussi authentiques. Je trouve partout la même sagesse et la même certitude. Chapitre 55. Pis qu'ignorance. J'ai vu ensuite, pour quelques sottises inintelligibles, les hommes s'étaient chargés les uns des autres d'imprécations, s'étaient détestés, persécutés, égorgés, pendus, roués et brûlés. Et j'ai dit, s'il y avait eu un sage dans ces abominables temps, il aurait donc fallu que ce sage vécût et mourût dans les déserts. Chapitre 56. Commencement de la raison. Je vois qu'aujourd'hui, dans ce siècle dite l'aurore de la raison, quelques têtes de cette hydre du fanatisme renaissent encore. Il paraît que leur poison est moins mortel et leur gueule moins dévorante. Le sang n'a pas coulé pour la grâce versatile, comme il coula longtemps pour les indulgences pénières qu'on vendait au marché, mais le monstre subsiste encore. Quiconque recherchera la vérité risquera d'être persécuté. Faut-il rester oisif dans les ténèbres, ou faut-il allumer un flambeau auquel l'envie et la calomnie rallumeront leurs torches? Pour moi, je crois que la vérité ne doit pas plus se cacher devant ces monstres que l'on ne doit s'abstenir de prendre de la nourriture dans la crainte d'être empoisonné. Fin du philosophe ignorant.